joie et toutes mes douleurs. J'aime les hommes et les billes et toutes les couleurs. T'as vu ma clique, on n'est pas bien, on est merboule. Tête cassée au volant, je garde mon souvenir. On était frères quand j'étais derrière, c'était cool. C'est plus la même quand j'ai des boulets. J'te viscère la pure dans ton bureau, c'est mon boulot. Mec de test qui boit la bouteille au goulot. Billet, billet, ah moi j'pense qu'au billet. J'me réveille, j'suis qui est. J'peux même plus les trier. Maman retourne prier. Et moi je cherche à briller. Tu me retrouveras au fond du ravin. Je pense à maman, toutes ses peines et toutes ses douleurs. Je ne vais pas dormir cette nuit, j'irai me saouler. Investi, je viens d'ici. Je fais que de me battre pour mes sources et pour mes idées. Je fais que dériver, j'ai tout saisi, ouais. C'est ma présence qui vous dérange, je vais vous briser. J'ai toutes ces idées, oh, j'ai toutes ces idées, oh. Dans leur compte, il y avait tout ce que je désirais, oh. Silhouette dessinée, oh. Frelon décédé, oh. Pour quitter le quartier, j'ai dû me décider, hein. J'ai vu des signes, c'est pas du ciné. J'ai vu des faux, j'ai eu des bons, j'ai eu ça hymne. Des fois j'en ris, ouais. C'est juste ma vie, ouais. Des peines de cœur, des peines tout court, mais y'a eu pire. On était frères quand j'étais derrière, c'était cool. C'est plus la même quand j'ai des boulets. J'te viscère la pure dans ton bureau, c'est mon boulot. Mec de test qui boit la bouteille au goulot. Billet, billet, ah moi j'pense qu'au billet. J'me réveille, j'suis qui est. J'peux même plus les trier. Maman retourne prier. Et moi je cherche à briller.